Saint-Pierre-des-Corps, de Laetitia Bianchi, avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Cinquième épisode. Elle s'appelle Nelly. Et vous ne la verrez probablement jamais. Cette voix féminine, des milliers de franciliens qui prennent la ligne 1 du métro l'entendent chaque jour. Saint-Paul, Châtelet, Concorde, c'est elle qui annonce le nom des stations. Comme Nelly, ancienne conductrice de la ligne 1, une dizaine d'agents RATP ainsi que quelques comédiens sont les voix du réseau. Si vous aussi, vous rêvez de percer dans ce métier artistique qui offre de nouvelles opportunités, participez au grand casting du métro. Car l'essentiel n'est pas d'avoir une belle voix, mais de bien savoir s'en servir. Nom des stations ? Vigilance à l'encontre des pickpockets ? Message d'urgence ? Les prestations sont agréables et variées. Alors, à vous de faire entendre votre voix. Lors des castings, les candidats seront jugés sur le timbre de leur voix, sur leur qualité d'interprétation et bien sûr, sur l'exactitude de leur prononciation. Bonjour monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Mettez bien votre tête en face du micro. Voilà. Bon. On va commencer par le plus simple, si je puis dire. La reine des lignes du métro parisien. La 2. C'est actuellement une voix féminine qui annonce le nom des stations, mais... Bon. L'info était censée rester en interne, mais voilà, pour la petite histoire, plusieurs passagers se sont plaints de la connotation érotique de la station Pigalle. Alors on va prendre une voix d'homme, pour marquer le coup. D'accord, je ne savais pas. On commence ? Bon, faites-moi trois tortues pour vous mettre en langue. Pardon ? Vous me faites une ou deux tortues, allez ? Trois tortues trottaient sur trois étroits toits. Trois tortues trottaient sur trois étroits toits. Bon. Ceci dit, on a quoi sur la ligne 2 ? Bon, il n'y a pas trop d'explosives à titre de dentale forte non aspirée. Encore que... Mais on verra après. Bon, répétez. Alerte, Arlette, Alette. Alette ! Arlette ! Ah non, mais j'y arrive pas du tout, je suis désolé. Je m'étais juste entraîné avec les stations de métro et je savais pas... Parce que vous croyez que pour faire un beau Charles de Gaulle, étoile, on n'a pas besoin de connaître la différence entre une fricative, une explosive et une labiale, sans doute ? C'est à cause de gens désinvoltes comme vous que les premières annonces étaient caricaturales tant les syllabes étaient décomposées. Quand on entendait « Châtelet », on se demandait où était le chat auvergnat qui buvait son lait. Ces erreurs de jeunesse sont derrière nous, alors je vous en prie. Non mais j'ai pas dit ça. C'est juste que... C'est juste que comment voulez-vous, sans une belle fricative, enchaîner Charles de Gaulle, étoile, le général et la comète ? Tout ça à deux pas de Terne, de Pigalle et de Victor Hugo. La ligne 2 est une ligne terrible, avec des contradictions sémantiques insurmontables. On passe de la luxure à la guerre, à la littérature. Il faut une voix calme, apaisante, articulée, désincarnée. Et bien sûr, il faut parfaitement maîtriser la double intonation ascendante et descendante pour la double annonce du nom. Et croyez-moi, Charles de Gaulle, étoile en mode descendant, c'est pas du Paganini, mais presque. Bah, je veux bien essayer pour Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, étoile. Charles de Gaulle, étoile. Ah mais non, là ils étaient trois, vous m'avez mis Charles, la Gaulle et l'étoile. J'ai vu. Charles, de Gaulle étoile. Non, le général ne s'appelait pas de Gaulle étoile, il s'appelait de Gaulle. Vous voyez, je vous avais dit, vous vous êtes précipité sur la plus grande difficulté de toute la ligne. Vous ne voulez pas essayer avec quelque chose de plus simple, colonel Fabien ? Ok. Colonel Fabien. Ben alors ça, c'est ma première diéresse de la journée. Vous arrivez tout droit du 19e siècle, mon cher. Ceci dit, ne le prenez pas mal, hein. C'est magnifique. Et puis, vous noterez que ça fait un alexandrin. Colonel Fabien, que c'est beau! Si ça ne tenait qu'à moi. Mais on est en 2013, hein. Si je présente ça à la direction, ils vont me prendre pour une folle. Puis après, il faudrait uniformiser avec les autres lignes, Nassillon. Je vous raconte pas le boulot et les tensions entre les différents services. Non, on oublie la diérèse. Ah mais c'est que j'y tiens, moi, à la diérèse. J'étais venu que pour ça, à vrai dire. Pour la diérèse. J'ai des principes. Vous, vous avez vos trois tortues et tout ça, ben moi j'ai la diérèse. Personne suivante. Esplanade de la Défense. Pont de Neuilly. Les Sablons. C'était Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps. De Laetitia Bianchi. Argentine. Cinquième et dernier épisode. Étoile. Avec Najda Bourgeois, Hélène Rancurel, Bachir Kili. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Hôtel de ville. Réalisation, Laure Egorov. Gare de Lyon.